Merci beaucoup. Donc, comme je l'avais dit, mon intervention s'appuie sur les résultats d'une recherche sur le comité du travail féminin qui avait été financée par la DARES dans le cadre du centenaire du ministère du Travail en 2006. Alors, juste pour le présenter rapidement, le comité du travail féminin est un organisme consultatif placé sous la tutelle du ministère du Travail de 1965 à officiellement 1984 et qui était chargé d'une mission d'études et de conseils sur le travail des femmes. Alors, en lien avec l'importance accordée par ce séminaire à la question de l'écriture, il me semble utile de souligner que, en tout cas dans mon parcours de recherche, c'est vraiment l'abondance des traces écrites laissées par ce comité qui m'a poussée à mener cette recherche à son sujet. Puisque, effectivement, ce comité a généralement une faible notoriété. Moi, je travaillais plus généralement sur l'histoire des instances gouvernementales chargées de la promotion des droits des femmes en France et au Québec depuis les années 60. Et ce comité, même dans cette historiographie-là, qui est encore balbutiante, est assez peu connu. Et donc, par contraste avec cette faible notoriété, j'ai pu constater que le comité avait produit et ou accumulé une quantité impressionnante de papiers entre la documentation qu'il avait lui-même réunie et les documents qu'il avait produits, qu'ils soient donc internes, donc notamment des PV, des réunions passionnants avec un verbatim vraiment détaillé, donc des sources vraiment intéressantes à exploiter. Donc qu'il s'agisse de sources internes ou de sources publiées, donc par exemple rapports annuels, bulletins d'information, des rapports et avis sur divers sujets en lien avec le travail des femmes. Donc j'ai été frappée par le décalage entre la faible notoriété de l'organisme et la quantité de papier qu'il avait effectivement fourni. Et donc, c'est vraiment cette richesse des archives qui m'a incité au départ à mener cette recherche plus spécifique sur le comité en parallèle de ma thèse, donc qui avait un sujet plus général. Et puis, j'ai ensuite réalisé que ce décalage que j'avais constaté entre la faible notoriété, mais aussi qui correspondait à un manque de moyens et une absence de pouvoir patent du comité, donc entre cette faible notoriété, faiblesse de moyens et l'abondance de l'écriture et de la production de rapports, de bulletins, etc. Ce décalage n'était pas sans lien avec le rôle stratégique joué dans l'action du comité par la mise en forme d'une expertise critique sur le travail des femmes. Donc justement en lien avec le questionnement plus spécifique de cette séance, donc centré sur la notion d'écriture institutionnelle du travail des femmes, je vais m'intéresser plus particulièrement à cet enjeu de la mise en forme d'une expertise critique sur le travail des femmes au sein de ce comité. Donc je voudrais explorer plus précisément comment la combinaison d'un statut institutionnel et d'une ambition critique débouche au sein de ce comité sur cette forme particulière d'écriture institutionnelle du travail des femmes, qui est l'expertise critique. Donc je procéderai d'abord à une présentation générale de l'institution, en revenant sur ses circonstances de création, sa composition et ses moyens, ainsi que son positionnement général sur diverses questions relatives au travail des femmes. Et je montrerai ensuite que le recours à l'expertise constitue une démarche essentielle donc, pour cet organisme. Donc, je reviendrai sur les raisons du recours à l'expertise et sur les formes plus spécifiques prises par cette expertise critique. Et puis dans un dernier temps, je reviendrai sur les conditions de mise en forme de cette expertise en montrant notamment comment la situation d'interface du comité, donc acteur institutionnel certes sous la tutelle du ministère du Travail, mais aussi acteur en interface avec la société civile, donc comment cette situation d'interface favorise ce processus de mise en forme d'expertise critique. Alors d'abord quelques mots de présentation générale du comité. Je voudrais d'abord revenir sur les circonstances de sa création, et puis je parlerai un petit peu de sa composition, des moyens qu'il a à sa disposition et de son positionnement. Donc tout ça pour permettre de mettre en perspective ensuite l'idée d'expertise critique. Alors, la création en 1965 de ce qui est initialement nommé un comité d'études et de liaison des problèmes du travail féminin résulte assez directement de la mobilisation d'un regroupement d'associations, le Comité international de liaison des associations féminines, donc le CILAF, qui était lui-même issu d'un regroupement qui s'appelait les Françaises Libres, donc qui était un regroupement politique gaulliste cofondé à la Libération par Hélène de Suzanet, Marcel Deveau et Irène de Witkowski. Donc c'était un regroupement de femmes proches de la droite. Et Marcel Deveau joue un rôle essentiel dans cette campagne, et elle jouera ensuite un rôle essentiel au sein du comité, puisqu'elle sera la présidente. Donc il me semble important de donner quelques éléments biographiques la concernant. Et notamment pour ce qui nous intéresse, il importe de souligner sa pluri-appartenance à la fois partisane et associative. Donc Marcel Deveau mène de front carrière politique et engagement associatif. En fait, fille de magistrat, elle commence sa carrière politique comme attachée parlementaire de son mari, Stanislas Deveau, qui est élu député de Constantine en 1936. Elle-même, je ne vais pas dire, est née en 1908. Ensuite, après avoir participé à la Résistance, donc elle cofonde à la Libération les Françaises Libres, puis le CILAF. Et en 1946, elle est élue au Conseil de la République, où elle siège jusqu'en 1958 et dont elle occupe la vice-présidence de 1948 à 1951. Elle est par ailleurs maire de Colombes de 1959 à 1965 et membre du Conseil économique et social de 1963 à 1979. Et en 1958, elle est élue UNR à l'Assemblée nationale, où elle siège jusqu'en 1962. Donc elle mène une carrière politique importante, tout en poursuivant son engagement associatif dans le milieu associatif féminin. Donc voilà pour situer Marcel Deveau. Et en fait, c'est en 1952 qu'émerge l'idée de création d'un bureau du travail féminin en France, puisque c'est en 1952 qu'elle rencontre, au cours d'un voyage à Washington, les responsables du Women's Bureau américain. Et c'est à la suite de cette visite au Women's Bureau américain qu'elle décide de promouvoir la création d'un organisme similaire en France, en prenant appui sur le CILAF. Donc elle obtient finalement gain de cause en 1965 avec la création au sein du ministère du Travail de ce comité d'études et de liaison des problèmes du travail féminin, donc qui prendra le nom de comité du travail féminin en 1971. Et ce comité a pour vocation initiale, donc selon les termes de son arrêté constitutif, de, je cite, « procéder à l'examen des problèmes que pose aux femmes l'exercice d'un travail salarié » et d'étudier les mesures de nature à faciliter l'activité et la promotion professionnelle de celle-ci. Donc on voit déjà sur les termes même de la mission qu'on n'est pas très sûr s'il s'agit de... Enfin, si le travail est un problème ou quelque chose à encourager pour les femmes. Alors j'en viens à la composition du comité et aux moyens concrets sur lesquels il peut s'appuyer. Donc ce comité est présidé pendant toute sa durée d'existence par Marcel Deveau. Très majoritairement composé de femmes, il comprend statutairement 5 grandes catégories de membres, donc tout ça est défini par ses arrêtés, par son arrêté constitutif. Donc des représentantes des associations féminines et des associations familiales, des représentants des organisations syndicales et patronales, et des personnalités choisies pour leurs compétences sur la question du travail des femmes. Donc 5 grandes catégories. Pour illustrer un petit peu ça, les principales associations féminines représentées sont le CILAF, de manière non surprenante, l'UFCS, donc l'Union Féminine Civile et Sociale, mais aussi l'Union des Femmes Françaises, le CNFF, donc le Conseil National des Femmes Françaises, et le Mouvement Jeunes Femmes. Donc il s'agit d'associations datant soit du début du siècle, d'associations féminines anciennes, ou de l'entre-deux-guerres, ou de l'immédiate après-guerre pour ce qui s'agit du CILAF, de l'UFF et puis plus récemment du mouvement Jeunes Femmes. Donc voilà pour ce qui est de la représentation des associations féminines, mais la cause des femmes au sein du comité est aussi portée par des représentantes syndicales, parmi lesquelles on trouve des pionnières du militantisme féministe à l'intérieur des syndicats. Donc on a notamment Madeleine Collin, puis Christiane Gilles pour la CGT, Paulette Hoffmann pour la CGT-FO, Jeannette Laute pour la CFDT. Et puis enfin, j'y reviendrai, sont présentes au titre de leurs compétences des figures féminines importantes de l'époque, donc qui œuvrent chacune de leur manière en faveur de la cause des femmes dans divers milieux associatifs, professionnels et ou gouvernementaux. Donc on peut citer Jeanne Chaton, Madeleine Hilbert, Marguerite Hilbert, donc, ou encore Simone Veil. Donc, je reviendrai sur le profil de ces personnes nommées pour leurs compétences, qui jouent effectivement un rôle important dans l'apport d'expertise au comité. Alors, pour toutes ces membres, la participation non rémunérée aux activités du comité s'ajoute à leurs occupations habituelles. Et le comité est par ailleurs doté de ressources matérielles et humaines en termes de personnel permanent qui sont vraiment réduites au minimum. Donc il n'a pas de budget propre. Il est logé initialement dans des locaux assez précaires au sein du ministère du Travail. Et il a au maximum un personnel permanent qui s'élève au mieux en 1971 à 6 personnes. Donc, par comparaison, le Women's Bureau américain, c'est 80 personnes. Donc voilà, une faiblesse structurelle en termes de moyens matériels, de personnel, d'où une situation vraiment à la marge de l'administration du travail. Et cette marginalité est renforcée par l'absence de pouvoir formel du comité, puisqu'il a un statut purement consultatif. Il ne dispose bien sûr d'aucun pouvoir coercitif, il ne peut que transmettre des recommandations à son ministère de tutelle, réaliser des études et diffuser de l'information sur le travail des femmes. Donc son influence ne peut résulter que de mécanismes informels. Alors la contrepartie de cette absence de pouvoir, c'est toutefois une large autonomie du comité dans la définition de ses modalités de fonctionnement, de son agenda de travail et de son positionnement, ce qui se voit assez bien dans le verbatim des réunions du comité. Il semble que la parole soit assez libre. Et ceci conduit le comité à intervenir activement dans les réformes en cours par l'intermédiaire d'avis transmis au ministre du Travail. Donc j'en viens à une caractérisation rapide de son positionnement sur les questions relatives au travail des femmes, donc à partir d'une analyse de ses avis, mais aussi des comptes rendus des réunions du comité. Donc on peut dire de façon très générale que le comité adopte des positions plutôt égalitaristes en matière de travail des femmes. Alors, l'égalité promue renvoie d'abord à un principe formel de non-discrimination dans divers domaines, donc embauche, conditions de travail, de rémunération, promotion, accès à la formation. Et c'est en matière d'égalité de rémunération que le comité a apporté sa contribution la plus marquante par le rôle qu'il a joué dans la jeunesse de la loi du 22 décembre 1972 sur l'égalité de rémunération, puisqu'il avait émis dès 1967 un avant-projet de loi sur la question, donc revendiquant une législation dans la matière. Il est intéressant aussi de souligner que la lutte du comité pour l'amélioration des dispositifs juridiques en faveur de l'égalité ne se déploie pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Donc les responsables du comité entretiennent des relations assez étroites avec la structure qui est alors en gestation à la Commission européenne, donc la structure chargée de l'égalité des chances, donc notamment par l'intermédiaire de Jacqueline Nonon, qui a joué un rôle important dans la mise en place de cette structure. Et donc Marcel Deveau participe donc à Bruxelles aux travaux du groupe ad hoc qui est à l'origine des premières versions de la directive de 1976 sur l'égalité de traitement. Et puis ensuite, cette directive va être utilisée par le comité du travail féminin pour promouvoir son application en fait en France, ce qui finalement n'aboutira qu'avec la loi de 83 sur l'égalité professionnelle. Mais donc on a un jeu entre le niveau communautaire et le niveau national. Alors, outre cette lutte en faveur de l'inscription juridique du principe d'égalité, le comité axe rapidement ses réflexions sur la formation professionnelle, qui est envisagé comme le principal moyen de lutter contre la ségrégation sexuée des emplois. Et cet accent placé sur la formation comme levier d'égalité préfigure assez bien la définition du problème des inégalités professionnelles qui sous-tend à partir des années 80 la politique française d'égalité professionnelle, avec une importance centrale accordée au dispositif de formation. Et puis finalement, à côté des stratégies visant la sphère professionnelle au sens strict, le comité se préoccupe aussi beaucoup de la question de l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un contexte où, alors que la politique familiale d'après-guerre était nettement une politique marquée par un encouragement du maintien des mères au foyer avec l'allocation de salaire unique. Le comité développe ses travaux à une époque où la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle s'impose progressivement comme la nouvelle manière dont les pouvoirs publics posent la question du travail des femmes, notamment à partir des années 70, donc avec des mesures comme des congés parentaux prolongés ou l'encouragement du travail à temps partiel. Donc c'est une nouvelle orientation qui certes prend pour acquis l'activité professionnelle des femmes, mais en même temps les assigne à un modèle d'activité distinct et source d'inégalités. Et donc le comité du travail féminin va s'opposer, mais relativement sans succès, hein, à ces nouvelles dispositions adoptées au nom de la conciliation. Donc il conteste les dispositifs juridiques visant à faciliter notamment le développement du travail à temps partiel. Et il critique vivement en 1977 le projet de congé de mère, donc congé sans solde de 2 ans, qui sera finalement institué sous le nom de congé parental en juillet 1977. Et donc pour donner un exemple de son type d'écriture, je peux citer un extrait de l'avis du comité sur le congé de mère qui illustre bien sa position égalitaire, en fait promouvant une meilleure implication des pères ainsi que le développement des services de garde pour enfants. Donc je cite cet avis. Le comité regrette que le projet n'ait pas proposé l'institution d'un congé parental, soulignant ainsi le rôle essentiel du père dans l'éducation des enfants. Il estime également que le caractère protecteur et discriminatoire de cette mesure risque de se retourner contre les femmes et de contribuer au renforcement de la marginalisation de la population féminine. Le comité craint que cette mesure, en période de conjoncture économique difficile, ait un effet dissuasif à l'emploi des jeunes femmes déjà durement touchées par le chômage. Il craint spécialement que l'institution de ce congé de mère ne soit préjudiciable à l'accès déjà difficile des femmes aux postes de responsabilité. Le comité insiste sur le fait que cette mesure ne saurait se substituer au développement indispensable des équipements et services collectifs d'aide aux familles dont la mère exerce une activité professionnelle. Fin de citation. Donc, par ce type de positionnement, on voit que le comité est certes un acteur institutionnel, mais aussi un acteur qu'on pourrait qualifier de militant au sein de l'administration du travail. Il formule des critiques, il fait un travail de lobbying en faveur de réformes. Il est donc dans la position ambivalente d'être à la fois un acteur institutionnel et un acteur militant, souvent critique vis-à-vis de sa tutelle. Et le rôle essentiel joué par l'expertise critique dans ces activités doit se comprendre à l'aune de cette situation particulière. Donc j'en viens à cet enjeu plus spécifique de l'expertise. Donc je voudrais d'abord souligner que le recours à l'expertise constitue une démarche essentielle au sein du comité. Donc initialement dénommé d'ailleurs comité d'études et de liaison des problèmes du travail féminin, le comité se définit vraiment avant tout comme un organisme expert. Et là-dessus, je peux citer la manière dont Marcel Deveau caractérise le comité lors de sa première réunion en avril 1966. Donc là, je cite son propos oral hein, pendant la réunion, donc c'est issu d'un PV de réunion. Elle nous dit, je cite, « Il ne s'agit pas d'une académie faisant une large place à l'éloquence et à la littérature, ce n'est pas non plus un organisme revendicatif, quelle que soit la légitimité de certaines revendications. Le comité n'a pas de vocation politique, son objet étant l'approche des problèmes techniques dans un esprit scientifique et une rigoureuse objectivité. » Fin de citation. Et de fait, on voit que la valorisation de la démarche experte, de la technicité et de l'objectivité constitue vraiment une norme dominante dans les activités du comité. Alors ça se trouve bien reflété dans les archives, par exemple, quand on voit le nombre de fois que les rapports sont réécrits avant d'être enfin diffusés. Enfin, il y a un travail de réécriture qui est très, très long, très prenant pour les membres et les permanentes. Et ça se trouve aussi reflété dans le discours des anciennes permanentes, anciennes chargées de mission de l'organisation, qui qualifient par exemple leur travail, donc là je reprends des citations d'entretien, comme de la production de matière, ou insistent encore sur l'importance de la démarche de diagnostic précédant toute proposition adressée au ministère. Donc se pose la question de l'explication de cet attachement, enfin pourquoi cet attachement à une posture experte. Et il me semble en fait qu'on peut l'analyser de deux manières. Il correspond d'abord pour partie à une stratégie de légitimation de l'organisation elle-même, mais il me semble qu'il revêt aussi un sens plus politique. Donc je vais revenir sur ces deux volets d'explication. Donc, le recours à l'expertise peut d'abord s'analyser comme une stratégie de légitimation de l'institution, créée en réponse à des pressions militantes investies par des défenseuses à cause des femmes. Le comité pouvait craindre d'être assimilé, pardon, à un organisme militant et de souffrir du coup d'un discrédit au sein de l'administration. Et d'ailleurs, comme l'atteste la faiblesse de ses moyens de fonctionnement, sa légitimité au sein du ministère du Travail était loin d'être acquise. Donc dans ce contexte, l'affichage d'une démarche d'expertise participe nettement d'une stratégie de légitimation du comité en tant qu'organisation gouvernementale, hein, le savoir spécialisé constituant un attribut essentiel de la bureaucratie. Donc comme illustre la citation que j'ai reprise tout à l'heure de Marcel Devaux, l'approche des problèmes techniques dans un esprit scientifique et de rigoureuse objectivité est un moyen de se distinguer des organismes revendicatifs. Les responsables du comité sont par ailleurs d'autant plus portés à insister sur la dimension scientifique, technique et rigoureuse de leur travail, qu'elles sont des femmes dans le contexte d'une administration dont l'encadrement est encore fortement masculin et dont les valeurs dominantes, donc celles de l'administration du travail, celles de l'administration en général et celles de l'administration du travail en particulier, construites quand même encore autour de la figure masculine du travailleur d'industrie, ces valeurs sont socialement connotées comme masculines. Donc l'insistance sur l'expertise relève donc pour partie, il me semble, d'une démarche défensive de la part de femmes qui peinent d'autant plus à établir leur légitimité dans un milieu fortement masculinisé qu'elles peuvent facilement être soupçonnées de militantisme au vu de l'objet de leurs travaux. Donc il y a un aspect défensif et de construction, de légitimation d'une organisation marginale au sein de l'administration du travail. Mais il me semble que le recours à l'expertise n'est pas seulement défensif, il a aussi une portée stratégique et politique essentielle qui peut être décomposée en deux volets. D'une part, le rôle de l'expertise dans la promotion de réformes et d'autre part, la diffusion plus générale de cette expertise, comme moyen de sensibilisation auprès d'un public plus large à la question des inégalités professionnelles. Alors, tout d'abord, bien que le comité rejette, comme on l'a vu, toute assimilation à un organisme revendicatif, on a vu qu'il agissait de fait comme un groupe de pression au sein de son ministère de tutelle. Et alors qu'une telle démarche pouvait sembler difficile à assumer pour un organisme gouvernemental, le recours à l'expertise est justement ce qui la rend possible. Plus précisément, le déploiement d'une expertise critique est ce qui permet au comité d'agir comme un groupe de pression tout en restant dans les limites de son rôle attendu en tant qu'acteur gouvernemental, le discours expert étant encore une fois le propre de l'administration. Donc par expertise critique, je désigne l'usage de données et d'un discours expert pour critiquer les lois et politiques existantes et promouvoir des réformes. Donc si on raisonne en termes de répertoire d'action, hein, si on accepte l'idée que le comité agit comme un groupe de pression à l'intérieur de son ministère de tutelle, si on raisonne en termes de répertoire d'action, celui du comité est très contraint par son statut gouvernemental. Il ne va pas organiser des manifestations de rue ou lancer des pétitions. Et l'expertise critique apparaît finalement comme un moyen d'action particulièrement adapté, puisqu'il permet au comité d'exprimer des critiques tout en restant dans les limites de son rôle en tant qu'acteur gouvernemental. Donc concrètement, les supports matériels de cette expertise critique sont les avis transmis au ministre qui s'accompagnent de lettres et dont le résumé est également publié dans le bulletin d'information du comité et rappelé dans ses rapports annuels. Donc c'est un effet de réitération pour convaincre, dans l'espoir de convaincre. L'expertise concernée fait appel à plusieurs domaines du savoir, mais elle est notamment juridique et sociologique. Donc je vais qualifier rapidement ces deux types d'expertise pour illustrer un peu plus concrètement de quoi il s'agit. L'expertise juridique combine un examen critique de la législation existante avec la mobilisation de normes étrangères, internationales et supranationales pour promouvoir des réformes au niveau national. Donc, par exemple, dans sa campagne en faveur d'une loi sur l'égalité de rémunération en 67, le comité prend appui à la fois sur l'article 119 du traité de Rome et sur la convention numéro 100 du BIT, qui, pour le coup, promeut le principe d'égalité de rémunération. 151. Voilà, mais plus tard que ce dont tu as parlé. Donc... ce travail d'expertise juridique est essentiellement initié dans le cadre de la commission législation du comité et la production de cette expertise est facilitée, là encore, par le statut gouvernemental de l'organisme qui lui donne un accès plus immédiat aux avant-projets de loi en gestation au sein du ministère par rapport à l'information dont peuvent disposer des groupes extérieurs. Le comité s'efforce par ailleurs d'être formellement saisi par son ministère de tutelle de projets en cours de préparation afin d'exercer son influence le plus en amont possible dans le processus de production des lois. Alors, en parallèle de ce travail juridique, le comité déploie une expertise de type sociologique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la promotion de réformes juridiques ne s'appuie pas seulement sur des références juridiques, mais aussi beaucoup sur une expertise sociologique. Donc, le savoir sociologique sur le travail des femmes, qui est alors en plein essor, hein, constitue un enjeu important à cette époque, dans un contexte de redéfinition des politiques publiques dans ce domaine. Et pour le comité, il sert à établir la nécessité de politiques antidiscriminatoires à partir de la mise en évidence, notamment statistique, de différentes formes d'inégalités professionnelles, donc disparité salariale, accès à la formation, etc. Et dans cette perspective, donc, l'outil statistique occupe une place déterminante dans ce travail de dévoilement et d'objectivation scientifique des inégalités entre les sexes. Donc voilà pour ce qui est de l'usage de l'expertise critique dans une optique de promotion de réforme. Mais le rôle de l'expertise doit aussi s'envisager en lien avec un objectif plus général de sensibilisation à la question des inégalités professionnelles. Donc de ce point de vue, le comité est indissociablement producteur et utilisateur d'expertise, récepteur et diffuseur de savoir. Donc son rôle peut être plus généralement envisagé comme un rôle d'impulsion donnée à la circulation des savoirs sur le travail des femmes. Donc processus par lequel ces savoirs s'échangent lors de colloques ou de séminaires, sont importés, exportés, etc. Et donc le comité participe beaucoup à cette dynamique de circulation des savoirs sur le travail des femmes, qui permet une répétition des énonciations, qui contribue, là encore, en tout cas c'est l'espoir du comité, à créer une sensibilité sur la question. Donc si on revient à la question de l'écriture, le principal support matériel de cette impulsion donnée à la circulation des savoirs est le bulletin d'information du comité, qui est publié à partir de 1972, à peu près 4 fois par an, et qui contient, outre un résumé des rapports et avis du comité, il contient aussi des données statistiques sur la situation d'emploi des femmes, donc tirées le plus souvent de statistiques publiques. Et on a aussi une dernière page régionale qui présente la situation de l'emploi des femmes dans une région particulière. Le bulletin a par ailleurs une fonction importante d'information sur les droits. Donc c'est aussi un moyen de présenter de façon synthétique les dispositions de loi récemment votées qui ont une incidence sur les droits des femmes au travail ou en matière familiale. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir que si ces points juridiques en fait, s'adressent principalement aux victimes potentielles de discrimination ou aux bénéficiaires potentiels de ces droits, ces articles à contenu juridique peuvent aussi être adressés aux employeurs en leur indiquant, par exemple, comment être en conformité avec la loi. Donc on a par exemple en 79 un article qui donne aux employeurs des indications pratiques sur la manière de formuler des offres d'emploi non discriminatoires en mentionnant par exemple les deux genres d'un métier quand ils existent. Donc voilà pour ce qui est du bulletin d'information. Il faut aussi souligner au titre des supports matériels de cette démarche de mise en circulation des savoirs, le rôle essentiel joué par le centre de documentation du comité, qui est un lieu de rencontre important à l'époque pour donc un lieu d'échange d'expertise entre des personnes issues de l'administration, des universitaires, des journalistes, etc. Donc son importance a été, est souvent revenue dans les entretiens que j'ai pu faire avec d'anciennes permanentes du comité. C'est quelque chose que je n'avais pas identifié au départ et qui visiblement leur est resté comme quelque chose de marquant. Donc tout ça pour dire que la mise en forme et la mise en circulation d'une expertise sur le travail des femmes ne correspond pas seulement à une stratégie défensive de légitimation de l'organisme, mais aussi à un double intérêt stratégique. Donc il s'agit d'une part de promouvoir des réformes et d'autre part de mettre en circulation des savoirs pour favoriser une sensibilisation plus générale à l'enjeu des inégalités professionnelles. Alors, dans un dernier point, je voudrais préciser comment cette situation d'interface du comité que j'ai évoqué au début de mon exposé favorise la mise en forme de cette expertise critique sur le travail des femmes. Donc là, je vais me concentrer sur le premier volet stratégique que j'ai évoqué, c'est-à-dire la production vraiment d'expertise critique en vue de réforme. Et donc, je voudrais montrer comment la position particulière du comité à l'interface entre administration et société civile favorise la mise en forme de cette expertise critique. Donc j'ai montré précédemment que le comité était un acteur institutionnel particulier, à la fois un acteur institutionnel, gouvernemental, donc sous la tutelle du ministère du Travail, et en même temps un organisme composé de représentants de la société civile et qui se donne une vocation critique et de promotion de réformes. Donc je reviendrai successivement sur ces deux facettes du comité, en commençant d'ailleurs par la dernière, plutôt l'interface avec la société civile, en montrant comment elle favorise la mise en forme d'une expertise critique. Alors d'abord, en ce qui concerne l'interface avec la société civile, les savoirs mobilisés par le comité sont d'abord des savoirs incarnés, en fait portés par les membres du comité elles-mêmes. Donc la diversité des profils des membres, qui sont à la fois responsables d'associations féminines et familiales, syndicalistes, représentantes du patronat, mais aussi juristes, sociologues, pour celles qui sont plus désignées au titre de leurs compétences, cette diversité permet au comité de multiplier les sources et les types d'expertise, même si c'est par ailleurs source de tensions et de désaccords en interne. Mais ça permet de multiplier les sources d'expertise. Alors, c'est sans surprise parmi les membres désignés au titre de leurs compétences que le comité puise ses ressources expertes les plus décisives. Donc, parmi celles-ci, on peut en citer quelques-unes pour illustration, donc, notamment la sociologue Madeleine Gilbert, donc, pionnière de la recherche sur le travail des femmes en France, qui joue un rôle essentiel dans la mise en forme d'une expertise sociologique au sein du comité. Donc elle préside la commission conditions de travail au sein de ce comité. On peut mentionner aussi Jeanne Chaton et donc Marguerite Thiver, qui sont deux autres figures de premier plan du comité. Et là, je ne fais que mentionner vraiment les figures les plus souvent citées, enfin qui sont à la fois celles qui interviennent le plus et puis qui sont restées dans la mémoire collective du comité comme les grandes figures du comité. Donc Jeanne Chaton, par exemple, après avoir elle était au départ agrégée d'histoire, après avoir travaillé bénévolement au BIT donc, et à la SDN, elle est nommée en 1965 représentante de la France à la Commission du statut de la femme des Nations Unies, et elle est par ailleurs très active dans le milieu associatif féminin. Donc elle est vice-présidente du CILAF, membre du CNFF et de l'Association des femmes diplômées d'université. Donc c'est quelqu'un qui permet là aussi de faire le lien avec l'international et qui en même temps a un ancrage dans le milieu associatif féminin. Donc c'est un profil assez typique qui permet une multiplicité de sources d'expertise. Et bien sûr, donc, l'autre figure, qui est vraiment une figure tutélaire du comité de travail féminin, c'est Marguerite Thiber, dont tu as déjà parlé, donc qui avait été nommée responsable de l'unité chargée des questions féminines au BIT. Donc ce serait intéressant d'ailleurs, de ce point de vue, de situer l'évolution de son positionnement par rapport au travail des femmes, puisqu'elle a une position là pour le coup beaucoup plus combative quand elle est au comité du travail féminin que ce qu'elle que sa position au sein du BIT dans les années que tu as évoquées. Donc finalement, ces femmes qui forment vraiment les piliers du comité sont caractérisées par leurs appartenances multiples. Leurs compétences, pour elles sont nommées, n'est pas seulement une compétence universitaire, ce qu'elles ont toutes en général, hein, elles sont en général diplômées et surdiplômées, mais cette compétence est aussi et surtout liée à leurs pratiques professionnelles et à leur militantisme. Et puis surtout les liens dont elles disposent avec des organisations internationales, notamment ONU et BIT, revêtent un caractère déterminant pour les activités et pour le positionnement du comité. Alors, outre ces personnalités formellement qualifiées, nommées pour leurs compétences, les représentantes des syndicats, du patronat et des associations féminines placent aussi à la disposition du comité des ressources d'expertise issues de leurs organisations. Donc, expertise qui peut être aussi syndicale. Au niveau des associations féminines, on peut citer par exemple l'expertise juridique issue du CNFF, donc le Conseil national des femmes françaises, qui fait un travail un petit peu similaire à ce que fait le comité de critique systématique de la législation existante, mais donc depuis le début du siècle. Donc là, il y a une démarche d'expertise critique qui est en fait ancienne dans cette association-là et qui va être portée par des juristes du CNFF au sein du comité. Donc cette composition diversifiée du comité lui permet donc de bénéficier de sources d'expertise plurielles, tant sociologiques que juridiques. Alors en même temps, le fait que ses membres bénévoles mettent à disposition du comité leurs compétences et surtout donnent de leur temps pour produire l'expertise nécessaire, c'est-à-dire que c'est non seulement la participation aux réunions plénières, mais aussi du temps pour écrire les rapports en dehors des réunions. Cette mise à disposition d'expertise et de temps ne peut se comprendre qu'en lien avec leur engagement en faveur de la cause des femmes, engagement que vient redoubler celui des employés permanents du comité qui, de la même manière dans les entretiens, ont toutes signalé un attachement préalable à la défense de la cause des femmes, qui a pu prendre diverses formes, mais elles ont toutes en commun ce profil-là. Donc ça, c'est pour ce qui était de l'interface avec la société civile. Pour ce qui est de l'interface avec l'administration, donc le comité est aussi un organisme gouvernemental et ce statut facilite d'une autre manière la production d'une expertise critique. En effet, pour que les savoirs sur le travail des femmes se traduisent en expertise critique, il est indispensable qu'il s'articule avec une perspective d'action publique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de produire des savoirs, mais il s'agit de produire des savoirs qui soient pertinents du point de vue des politiques publiques, des savoirs qui soient lisibles en gros par les acteurs gouvernementaux, ce qui implique des contraintes à la fois en termes de format et de contenu. Donc en ce qui concerne le format, l'expertise sera d'autant plus efficace politiquement qu'elle emprunte un ton et un vocabulaire légitime aux yeux des acteurs gouvernementaux, donc un ton démonstratif plutôt que revendicatif, un vocabulaire technique mais sans excès de jargon. L'expertise devra aussi se déployer dans un texte de longueur adéquate, donc les recommandations doivent être argumentées mais sans excès de longueur. Et l'apprentissage de ce format, qui peut être long pour des groupes revendicatifs issus de la société civile, est beaucoup plus rapide pour un organisme de statut gouvernemental qui, en dépit de sa marginalité, est quand même immergé dans une culture gouvernementale, enfin une culture administrative, qui facilite l'apprentissage de ce format. Donc les interactions quotidiennes avec d'autres services administratifs, typiquement des échanges de correspondance, les interactions de face à face, permettent une socialisation rapide aux normes de l'administration, ce qui est un atout dans l'optique de cette production d'expertise. Alors, outre les contraintes de format, cette production de savoir pertinent du point de vue des acteurs gouvernementaux suppose aussi des contraintes de contenu, donc l'expertise sera d'autant plus pertinente qu'elle atteste une connaissance approfondie des dispositifs, notamment des dispositifs juridiques abordés, et donc qu'elle débouche par conséquent sur des recommandations précises. Et ici encore, le statut gouvernemental du comité est un atout, puisque ça lui permet un accès facilité à l'information gouvernementale, par le biais de canaux standardisés, donc le bulletin quotidien, le journal officiel, la documentation du ministère, mais aussi par un accès facilité aux acteurs des dispositifs concernés par l'expertise qu'il produit. Et de ce point de vue, le comité fait intervenir très souvent en réunion plénière des intervenants extérieurs, qui sont en fait très souvent des membres de l'administration du travail ou d'organismes particuliers en lien avec cette administration, donc NPE, AFPA, UNICEF, etc., des personnes du plan ou d'autres ministères donc, qui viennent exposer des dispositifs institutionnels particuliers. Donc, ce qui permet une familiarisation rapide avec ces dispositifs au sein du comité et inversement la diffusion de la position du comité auprès de ces acteurs. Donc, finalement, la situation du comité à l'interface de l'administration et de la société civile permet la mobilisation d'une diversité de savoirs sur le travail des femmes et leur traduction en expertise critique. Donc, cela débouche sur une écriture, à la fois critique, donc utilisée comme levier de promotion de réforme, mais en même temps lisible par des acteurs gouvernementaux, car avant tout experte. Et c'est cette double caractéristique qui fait son intérêt stratégique. Donc finalement, la situation de cet organisme à l'interface de l'administration et de la société civile, qui pouvait être lu au départ comme une source de marginalité, lui a aussi permis de compenser cette faiblesse en facilitant la mise en forme d'une expertise critique. Merci.